Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons parler d'une personne célèbre, une femme qui a été effacée de l'histoire, Camille Urso, femme violoniste. Mais pour en parler, nous recevons aujourd'hui à l'antenne Bénédicte Fly-Sainte-Marie, l'auteur du livre « Je suis née au son du violon ». Bonjour Bénédicte. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être avec nous, alors par téléphone mais avec nous quand même, pour nous parler de ce dernier roman que vous avez écrit fin 2022 et que je souhaitais vraiment faire connaître aux auditeurs de Fadjet, car c'est un roman qui, à mon sens, n'a pas fini de faire parler de lui. Alors Bénédicte, on va commencer tout de suite avec la première question. Vous êtes auteur de 4 livres, dont « Je suis née au son du violon » et vous en avez écrit 3 autres sur des phénomènes, on va dire, plutôt de société, donc sur l'apparence physique, sur la PMA, et un troisième donc qui aborde vraiment des sujets d'actualité. Pourquoi avoir choisi, pour changer de registre, la vie de Camille Urso? Eh bien, tout simplement parce que cette thématique et cette personnalité s'est imposée à moi. C'est vrai que je ne marquette pas mes démarches, c'est les sujets qui, oui. Voilà, qui s'enracinent dans ma tête et qui prennent leurs aises. Et là, en fait, c'est vrai que c'est très différent de ce que j'ai fait, oui, précédemment. Je m'éloigne du registre sociétal, quoique, hein, je, oui, pense qu'il y a, oui, une dimension sociétale qui est, oui, assez prégnante quand même dans le livre. Mais oui, en fait, j'ai lu une biographie qui s'appelait Gabrielle, qui est écrite par Anne et Claire Berest. Et d'accord. Il se trouve que sur quelques lignes, ces deux autrices citaient Camille Urso. Oui. Et comme je ne connaissais pas Camille Urso, je suis allée me renseigner, puis me documenter, puis j'ai tissé ma, voilà. Et vous êtes prise au jeu. Vous êtes prise, voilà, au jeu, et voilà. Et voilà. Et c'est d'abord l'aspect prodige et pionnier qui m'a intéressée chez Camille. Et ensuite, je lui ai découvert une trajectoire absolument incroyable, fabuleuse, oui, hors norme. Incroyable. Et voilà. Je me suis dit qu'elle méritait un livre. Oui. Alors, justement, donc ça, c'est l'objet de ma deuxième question. Le livre commence. Camille a 7 ans. Elle entend du violon. Elle entend jouer du violon. Donc, je ne vais pas spoiler le déroulé du roman, bien sûr. Et elle a la certitude, elle le sait, elle a la conviction au plus profond d'elle-même. Elle va devenir violoniste, malgré le contexte de l'époque. Donc, milieu 19e siècle, les femmes n'ont pas le droit de jouer du violon pour différentes raisons. Vous expliquez d'ailleurs très bien dans le roman. Enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas d'interdiction en tant que telle. C'est plutôt les codes de l'époque, oui, les codes sociétaux qui... On les pousse à ne pas en jouer, en fait. Qui induisent une interdiction tacite, mais, oui, qui n'est inscrite dans aucun texte, aucune loi, aucune convention. Oui, complètement. Et du coup, justement, alors voilà, elle le sait au plus profond d'elle-même. Est-ce que vous pensez que parfois les choses sont écrites par avance? C'est-à-dire que, par exemple, on a une conviction tellement forte qu'on va devenir ça ou qu'on va faire ça, que dans tous les cas, rien ne pourra changer, parce qu'elle a la chance d'être dans une famille qui accepte l'idée qu'elle veuille jouer du violon et qu'elle s'avère extrêmement douée, même au-delà, pour jouer de cet instrument, malgré le contexte. Est-ce qu'on peut se dire qu'elle était un petit peu prédestinée à ça? Je ne sais pas si elle était prédestinée à ça, parce que bon, effectivement, il y avait ce terreau artistique. C'est son père qui jouait de l'orgue et, oui, et de la flûte, sa maman qui était soprano. Donc effectivement, il y avait une espèce de contexte qui pouvait la pousser vers ça, mais il y avait, en revanche, personne qui jouait du violon dans son entourage, et c'est comme si on était frappé par la foudre, je pense. Ce qui arrivait à Camille, oui, c'était une évidence, quoi, qui s'emparait, oui, d'elle, et du coup, ça ne souffrait d'aucune contestation, et effectivement, les obstacles qui se sont dressés devant elle, elle les a tous négociés. Et puis elle a fait ça presque naturellement, quoi. C'est-à-dire qu'elle les affrontait, mais sans sans, oui. comment dire, sans angoisse. C'était une évidence pour elle et elle a fait ça vraiment. Ça, c'était un petit peu, effectivement, hein, des embûches sur son chemin. Elle l'est passée et elle a continué son chemin jusqu'à toute la vie, donc, qu'on lui connaît. Et c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que la façon dont c'est décrit, c'est vraiment, mais en fait, elle était faite pour ça. C'est assez impressionnant. Mais je pense que tout en tout cas jusqu'à longtemps dans son parcours et dans sa vie, elle était tellement au-dessus de la mêlée, elle avait un talent tellement supérieur aux autres que la question des mœurs et des codes du temps ne se posait même pas. Elle les faisait voler en éclats. Je pense que Et je pense qu'elle a davantage intériorisé justement toutes ces limites qu'on mettait aux femmes et à l'exercice de certaines professions. Mais longtemps, sa maestria, sa virtuosité ont fait que c'était même pas une question. Exact. Alors justement, comment avez-vous mené vos recherches pour écrire un livre aussi documenté dans son époque? Vous citez des personnages célèbres, vous citez des journalistes de l'époque. C'est extrêmement fin, documenté, mais il n'y a pas de lourdeur justement dans le récit parce que ça vient très bien, c'est très fluide en fait dans votre récit et c'est pour ça que j'ai eu un vrai coup de cœur. Quelquefois, on plonge un peu dans le documentaire, là, pas du tout, tous les éléments s'enchaînent bien. Et du coup, comment vous avez pu entamer vos recherches? Alors, en début d'interview, vous expliquiez que vous aviez lu quelques lignes donc de sa vie d'une auteure dont j'ai oublié le nom. Donc deux autrices. Anne-Claire Berest, effectivement. Je me suis plongée avec délice. Enfin, c'est peut-être un plaisir qui paraîtra incongru à certaines personnes, mais j'ai fait une sorte de travail de détective privé. En fait, je suis d'aller sur les archives numériques, heureusement, de la bibliothèque du Congrès américain. Camille a fait le très gros de sa carrière aux États-Unis. Aux États-Unis, Donc on a énormément de matière. J'ai trouvé des choses dans les archives nationales australiennes, néo-zélandaises, canadiennes. Mais c'est génial parce que je pense que plus vous trouvez, plus vous avez envie de chercher. Enfin, je trouve ça super. On tire sur les fils. Et c'est vrai, pour revenir sur ce que vous disiez, j'avais pas envie de faire quelque chose de très institutionnel. Oui. J'avais envie que les sources et les choses se répondent et que tout s'inscrive naturellement comme dans un puzzle, en fait. Donc c'est ce qui se passe. Parce que même quand vous citez, quelquefois, il y a des pages où la citation est un peu pas longue, c'est pas le terme fournie, on va dire, qui est très fournie parce qu'elle est très intéressante quand même et ça vient parfaitement s'imbriquer dans le récit. Quelquefois c'est très redondant et on est plutôt dans le documentaire biographique, je dirais. Vous voyez? Et vous, dans en fait, il n'y a même pas besoin parce que vous la décrivez dans notre tête, on sait tout de suite, on s'imagine comment elle pouvait être physiquement, comment elle pouvait être aussi dans son esprit construite, parce que comme on l'a dit précédemment, pour passer toutes ces embûches et arriver à ce niveau de virtuosité, c'est qu'elle était quand même dans sa tête assez volontaire, elle savait ce qu'elle voulait. Et du coup, en fait, c'est fluide, c'est un roman. J'avais envie de dire documenté, mais non, c'est un vrai roman pur et dur. Voilà, c'est chouette, c'est très bien écrit. Caprice de lecture marque une pause avec Amy Winehouse et Back to Black avant de retrouver Sarah en compagnie de son invité Bénédicte Flee-Sainte-Marie. retour sur Fadjet dans Caprice de lecture pour la deuxième partie de l'interview de Bénédicte Flies-Sainte-Marie par Sarah. Alors justement, ça me permet de rebondir sur la quatrième question. Avez-vous voulu faire renaître Camille Urso en écrivant ce livre, parce qu'elle fait partie de ces grandes femmes qui sont parties aux États-Unis, qui ont fait de grandes choses. Moi, quand je l'ai lu, j'ai tout de suite pensé à Marie Curie, par exemple, voilà, qui elle aussi a fait de très grandes choses. Je pense plus proche de notre époque, Simone Veil, et qui avait énormément de chemin à parcourir pour arriver là où elle était arrivée. Et je me dis, mais en fait, Camille Urso, c'était une grande oubliée. Il y a aussi Joséphine Baker, par exemple, hein, toutes ces femmes. Joséphine Baker a 15 ans, qui traverse l'océan Atlantique pour arriver en France et faire toute sa vie. Elle a fait le chemin inverse, mais avec la même combativité. Et je me dis, mais en fait, Camille Urso, pourquoi elle est tombée dans l'oubli comme ça, surtout au niveau, on va dire musicalement, c'était quand même une pionnière en plus. Est-ce que vous avez voulu dire un petit peu aux lecteurs ou même à l'actualité en disant, tiens, regarde, Camille Urso, tout le monde l'a oubliée et pourtant, eh bien, voilà qui elle était. Oui, c'est vrai que, au contraire des trois femmes d'exception que vous avez citées, oui, donc Marie Curie, Simone Veil, Joséphine Baker, elles ont laissé des traces fortes, oui, voilà, dans la mémoire collective. Et pour quant à Marie Curie, elle a été doublement récompensée, oui, donc il y avait déjà une validation qui était faite de leur œuvre et de leur chemin. Oui. Mais Camille, en fait, ce qui l'a desservi, je pense, c'est il n'y a pas d'enregistrement, en fait, de ce qu'elle a pu produire, et donc on n'a pas ces choses concrètes sur lesquelles se reposer, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui ont fait l'histoire, qui ont raconté l'histoire jusqu'à très récemment, c'était exclusivement des hommes, oui, et les hommes, quand ils faire l'histoire, c'est faire des choix, et quand les historiens et les historiens de la musique en particulier ont effectué ces choix, ils ont privilégié les réalisations d'hommes et zappé, gommé. Pas des choix très objectifs, du coup. Voilà. Oui, voilà. En même temps, ces historiens n'étaient que le pur produit de, oui, leur temps, et je suis même pas certaine que c'était une volonté délibérée d'écarter, oui, les femmes. C'est que, tout simplement, ça n'entrait pas dans leur... Complètement. Complètement. Voilà. Donc, c'était une évidence pour ces historiens que pour la postérité, on privilégierait les hommes. Exact. Clara Luciani et Julien Doré avec Sad and Slow pour nous accompagner en musique à la troisième et dernière partie de l'émission Caprice de lecture. Sarah reçoit aujourd'hui Bénédicte Flies-Sainte-Marie. Sad and slow, joue-moi quelque chose de beau, de sad and slow, quelque chose sur ton piano. Sad and slow, joue-moi quelque chose de beau, de sad and slow, quelque chose sur ton piano. Une chanson triste pourrait m'être fatale, me posséder par le cœur et la peau. Je t'écouterai à l'horizontale en fixant le blanc parfait des rideaux que tes airs recouvrent d'eau, le désert de mes deux yeux que tout indiffère. Oh, le désert de mes deux yeux, que tout indifférent. Au mieux, sad and slow, je vois quelque chose de beau de sad and slow, quelque chose sur ton piano, sad. Tout de suite, la troisième partie de Caprice de lecture, Sarah reçoit Bénédicte Flie-Sainte-Marie. Est-ce que vous pourriez nous faire part, alors je ne sais pas si c'est en lien ou pas en lien, d'un livre coup de cœur que vous avez eu, récent ou pas, et que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs de Fadjet? Alors oui, alors bizarrement il y a un lien, même si je n'ai aucune exclusivité dans la façon dont je lis, voilà, parce que je ne m'intéresse pas qu'aux ouvrages qui parlent de musique, oui. Mais ce que j'aimerais évoquer, c'est le merveilleux roman que j'ai lu il y a quelques semaines qui s'appelle Des diables et des saints. Ah, fait, il est super. De Jean-Baptiste Andréa. Oui. En fait, je vous résume rapidement le récit. Donc, c'est un vieux pianiste, presque septuagénaire, qui, tous les jours que Dieu fait, se rend dans les gares, dans les aéroports, et il joue inlassablement, et tout le monde se demande pourquoi ce vieux Joe braque son talent, donc à aller jouer dans ces lieux de passage, et en fait, on se rend compte que Joe attend une jeune fille qu'il a connue quand il était adolescent, oui. et que à l'époque où il venait de perdre ses parents, sa sœur, et où il s'est retrouvé dans un orphelinat, oui. Un terrible orphelinat. Ah, dur, oui, oui, dur. Voilà, où en fait, où la violence, peut même dire le sadisme des traitements qu'on réservait aux pensionnaires n'avait d'égal que l'hypocrisie, hein, oui. du visage que l'on présentait à l'extérieur. Et en fait, Joe, il garde de cette période une sorte d'épouvante, mais aussi cet amour pour Rose qui gardera toute sa vie, oui. Et aussi des fabuleuses amitiés, dont il tissera les fils toute sa vie, voilà. Et c'est ultra bien écrit, c'est un roman très très fort, c'est un roman extrêmement fort, moi j'aime vraiment beaucoup. Oui. Voilà, et donc je conseille à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. De musique ou pas. Merci Bénédicte, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Je suis née au son du violon, qui est donc la vie de Camille Urso, première musicienne féministe, aux éditions Infime. Merci encore, et en plus j'ai passé un moment de lecture absolument éblouissant, je suis ravie. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci Sarah. Merci Bénédicte, au revoir. Au revoir.